Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle qui s'appelle Shrapnel, une nouvelle écrite par Jean-Paul Didier Laurent, parue aux éditions Au Diable Vauvert. Jean-Paul Didier Laurent est un écrivain vosgien. Il est né en 1962 à La Bresse. Son premier roman, Le Liseur du 6h27, est en cours d'adaptation au cinéma. Voilà, voilà. Je vais donc commencer. Après avoir traversé un énième village au nom imprononçable, le camion bâché les avait déposés à la lisière d'un bois au lever du jour. Une croix de grès marquait l'entrée du chemin. Ils avaient progressé d'un pas soutenu avant de ralentir l'allure au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans l'océan de verdure. Les chants guerriers qui avaient rythmé leur marche sur les premiers kilomètres avait fini par s'éteindre. Cela faisait maintenant près d'une heure que plus aucun mot n'avait été prononcé. Parler n'avait plus de sens. Seul résonnait dans le sous-bois le bruissement continu des brodequins fendant la mer de feuilles mortes. Il progressait avec la désagréable impression de tourner en rond, de parcourir encore et encore le même chemin bordé des mêmes pierres moussues, de traverser les mêmes ruisseaux, de serpenter entre les mêmes collines, prisonnier des grands bouleaux qui, de part et d'autre de la sente, condamnaient la vue. Au fil des heures, les yeux s'étaient accoutumés au défilement continu de tous ces fûts à l'écorce claire couverts de pelades sombres. Au-dessus des hommes, les hautes frondaisons dévoilaient au gré de leur balancement des fragments de bleu. Un sentiment d'éternité avait peu à peu gagné les esprits à force de fouler ce sous-bois infini. Le temps n'existait plus. Même la faim, la fatigue et la soif semblaient s'être dissoutes dans la touffeur ambiante. Comme si la forêt, après avoir accueilli les soldats en son sein, les digérait au fil des kilomètres parcourus. Sourd aux nuées de moustiques qui vrombissaient à leurs oreilles, les fantassins cheminaient en file indienne, ignorant stoïquement la sangle du fusil qui blessait la chair de leur épaule, la crosse qui meurtrissait leur hanche et la baïonnette suspendue au ceinturon qui battait leurs cuisses. Joseph fermait la marche. Les vestiges d'acné qui grêlaient ses joues témoignaient de son jeune âge. Une grande lassitude marquait son regard cerné d'ombre. Il pensait au village quitté 6 mois plus tôt, à la ferme enchâssée dans la vallée du Bête-Württemberg, aux veaux de l'année qu'il n'avait pas vu naître, aux travaux de fenaison qui s'étaient faits sans lui. Il pensait à Johanna, la fille des Vespisseurs, et à cette valse promise pour la prochaine fête des moissons. Le peloton s'étirait devant lui sur une trentaine de mètres en une succession de têtes casquées, brinque-ballantes au-dessus des nuques luisantes. À maintes reprises, la forêt avait tenté de briser le fil invisible qui maintenait les 20 soldats en file indienne. Mais à chaque fois, dans un réflexe tout militaire, les fantassins s'étaient replacés dans le sillage de l'homme de tête. Le lieutenant Wurtz ouvrait la marche. Le premier obus lui emporta la moitié du visage. Les feuilles arrachées par le souffle de l'explosion n'avaient pas encore atteint le sol que déjà de nouvelles déflagrations retentissaient aux quatre coins de la forêt. L'enfer se ruait sur eux en une pluie d'ogives qui éventra le sous-bois. Le sol vomit de grandes gerbes d'humus qui retombèrent en grêle serrée sur les fantassins. Le ciel et la terre ne faisaient plus qu'un, broyant la parcelle de forêt entre leurs mâchoires, crachant dans les airs des débris de bois et de chair mêlée. Les éclats mortels frappaient aveuglément arbres et soldats. Fauchés à mi-hauteur, les géants verts s'abattaient en émettant des craquements sinistres avant de darder vers le ciel les vestiges de leurs troncs laminés. Bientôt, les cris des hommes se joignirent au fracas des armes, ordre aboyé, appel à l'aide, hurlement de douleur. De grandes trouées de ciel bleu apparurent dans les feuillages. Le soleil s'y engouffra aussitôt pour éclairer la scène. Les hommes, ceux que les frappes avaient jusque-là épargnés, s'étaient jetés face contre terre. Certains creusaient l'humus à l'aide de la crosse de leur fusil, d'autres grattaient le sol à main nue, tels des chiens fous pour s'enfuir dans la terre protectrice. Quelques-uns, roulés en boule, tête cachée entre les bras, offraient leur échine aux fragments mortels qui fusaient de toutes parts. Tous se rassemblaient sur eux-mêmes, se recroquevillaient dans un réflexe instinctif. Tous, sauf Joseph. Joseph restait debout au milieu du chaos, qui, dans un geste insensé, avait enlacé le grand bouleau qui lui faisait face, ventre contre écorce, dans une étreinte désespérée. Des cicatrices qui zébraient son tronc, l'arbre suintait une résine épaisse qui perlait à la surface de son écorce avant de s'écouler lentement. Il se vidait, tout comme Joseph, dont l'urine brûlante ruisselait le long des cuisses. À chaque nouvelle déflagration, le bouleau frissonnait contre la joue du jeune homme, palpitait entre ses bras. Le soldat ferma les yeux. Alors, au milieu de l'enfer, l'arbre et l'homme ne formèrent plus qu'un. Un organisme unique de bois et de chair dans les veines, duquel coulait sang et sève mêlée. L'esprit de Joseph pénétra le cœur du bouleau et descendit se réfugier au milieu de l'enchevêtrement de racines, loin du fracas de la surface. Le vacarme assourdissant qui lui déchirait les tympans l'instant auparavant lui parvenait à présent sous la forme d'un grondement sourd. Une fraîcheur agréable faisait place à la moiteur étouffante qui régnait dans le sous-bois. La gangue de terre grasse qui enveloppait les racines dégageait des senteurs captivantes. Apaisé, Joseph n'eut bientôt plus qu'une vague conscience de son corps, cocon vide accroché au tronc du bouleau. Son organisme tressaillit sous l'impact lorsque l'éclat d'obus lui traversa l'épaule de part en part avant de se ficher dans l'arbre. La douleur aspira son esprit vers la surface en un violent arrachement. Le bruit assourdissant assaillit à nouveau ses oreilles. La souffrance envahit son thorax en vagues brûlantes, dévorant l'oxygène de ses poumons. Joseph desserra son étreinte et glissa au sol, maculant l'écorce blanche d'une large traînée rouge. La forêt alentour n'était plus qu'une vaste étendue de terre ravagée, hérissée des chardes fumantes. Seul l'arbre au pied duquel gisait le jeune soldat pointait vers le ciel sa cime intacte. Il flottait dans les airs des relents de carnage, odeur âcre de la poudre, odeur métallique et lourde du sang, effluve nauséabond des ventres déchirés. Les cris des hommes faiblirent autour de lui, se firent murmures, puis râles. À la nuit, le silence régnait en maître. Haut dans le ciel, la lune déversait sa lumière laiteuse sur le grand bouleau. Joseph bascula la tête en arrière. Avant de sombrer dans l'inconscience, il aperçut, fiché dans l'écorce de l'arbre, l'éclat de shrapnel poissé de sang et de sève. Le fragment de métal luisait faiblement sous la clarté lunaire. Le coup de klaxon déchira le silence et tira Joseph de son cauchemar. « Gott im Himmel » jura-t-il, tandis que le mastodonte, chargé de grumes, frôlait la voiture garée sur le bas-côté de la route. Le véhicule tanga sous le souffle du camion. Joseph se cramponna au volant jusqu'à ce que les battements de son cœur s'apaisent enfin. Il plongea la main sous la chemise à la recherche des lèvres entrouvertes de la blessure. Il exposa ses doigts à la lumière du plafonnier. Ils étaient secs et propres. Dénudant le haut de son corps, il examina son épaule droite dans le rétroviseur central. La rosace de peau, lisse bordée de bourrelets de chair, était le seul vestige laissé par le shrapnel 62 ans auparavant. 62 années à errer dans la vie comme un mort vivant. Seul rescapé de l'attaque, Joseph avait croupi près de 3 ans dans un camp de prisonniers. 3 ans d'un hiver sans fin, à vivre comme une bête, en cultivant du lever au coucher du soleil, une terre gelée sur laquelle ne poussaient que des cailloux. À attendre chaque nuit sur son chalet glacial, que la mort veuille bien le prendre. La guerre l'avait finalement recraché parmi les siens, décharné et mutique. Il était rentré au pays amputé d'une partie de son esprit, comme d'autres étaient revenus sans bras ou sans jambes, avec la certitude que le morceau manquant de son âme était resté là-bas, au cœur de cette forêt, captif de l'entrelac de racines. Les mots n'étaient jamais revenus dans sa gorge. Au village, on l'avait accueilli, ce taiseux sombre, comme un héros. Il avait repris la ferme familiale, avait épousé la fille des verspisseurs. Joseph avait glissé au travers des ans comme un fantôme, se contentant de jouer sans conviction les rôles que l'on attendait de lui. Bon mari, bon protestant, bon fermier. Le rôle de père lui avait été épargné. Qu'il soit incapable de donner la vie ne l'avait guère surpris. Parfois, au cœur de la nuit, il quittait les bras de Johanna pour se glisser sans bruit hors des murs, foulant l'herbe gorgée de rosée du pré qui jouxtait la ferme. Il allait enlacer le tronc du vieux pommier du verger. Il pouvait ainsi rester accroché dans le froid de longues minutes, à espérer que le miracle survienne, conscient de ne reproduire là que le pastiche grossier de l'instant qui avait fait basculer sa vie à l'âge de 18 ans. Ce printemps, il avait porté sa femme en terre, victime du cancer qui la rongeait depuis des mois. Joseph s'était glissé dans son rôle de veuf comme on endosse un nouveau costume. La semaine passée, il avait acheté une carte de Pologne chez le libraire du coin. Son index avait parcouru le pays d'ouest en est avant de remonter vers le nord. Avec émotion, il avait lu le nom du village aperçu 62 ans plus tôt, cerclé de rouge sur une carte d'état-major. Krasnovis. La forêt était là, sous son index. Hier matin, après avoir rempli son sac à dos de quelques vêtements et provisions, lui qui, depuis son retour de la guerre, n'était jamais allé plus loin que Munich, avait pris la route à bord de sa vieille voiture pour un périple fou de près de 1400 kilomètres. Les noms des grandes villes avaient défilé sous ses yeux. Stuttgart, Nuremberg, Leipzig. Il avait fait une première halte sur une aire de repos au sud de Berlin, le temps de dormir un peu. Après un repas léger, il avait repris la route. Au lever du jour, il avait franchi l'Oder avant de pénétrer en territoire polonais. De nouvelles villes avaient défilé. Poznań, Gniezno, jusqu'à Wadkowice. Là, il avait bifurqué sur sa gauche, empruntant des routes de plus en plus étroites et chaotiques. À la nuit tombée, le panneau était apparu dans le faisceau des phares. Krasnovis. Joseph avait traversé le hameau au ralenti, jusqu'à la sortie du village. Ses yeux, brûlés par la fatigue, avaient peiné à reconnaître la croix de grès mangée par les buissons de noisetiers. Tombant de sommeil, le vieil homme avait jugé plus sage de prendre du repos et d'attendre le lendemain pour s'enfoncer dans la forêt. Il quitta le véhicule et étira ses membres ankylosés, avala quelques biscuits et but de grandes rasades de lait. Il laça ses chaussures de marche, fourra dans son sac à dos vivres et gourdes avant de verrouiller la voiture. Le temps était à l'orage et il régnait déjà une chaleur accablante malgré l'heure matinale. Le sentier s'enfonçait entre les taillis qui bordaient la route. L'octogénaire s'y engouffra en souriant, refusant d'écouter la voix de la raison qu'il implorait de rebrousser chemin, lui serinant qu'il fallait être fou pour espérer retrouver un malheureux arbre parmi des centaines de milliers d'autres. Au fil des kilomètres, sa marche se fit de plus en plus alerte. Les bouleaux étaient là, tout comme les moustiques. Le front ruisselant de sueur, Joseph remontait le temps, sourd aux signaux de douleur que lui envoyait son corps usé. Le sentier disparaissait par endroits pour mieux réapparaître un peu plus loin, au détour d'un ruisseau ou d'un éboulis. Le vieil homme eut bientôt la certitude que la forêt se refermait dans son dos pour effacer la sente, interdisant tout retour. Cette idée ne l'effraya pas, bien au contraire. Sa place était depuis toujours ici, dans cette forêt. Un premier éclair vint zébrer le ciel au-dessus de sa tête, chassant pour un temps la pénombre qui baignait le sous-bois. Alors, à travers le voile que la cataracte avait déposé sur sa rétine, il les vit. 19 silhouettes éthérées qui progressaient en silence devant lui sur le lit de feuilles mortes. Tout là-bas, le lieutenant Wurtz se retourna. Ses joues déchiquetées dessinaient sur son visage un sourire macabre. Ce qui restait d'Ortsböhm précédait le vieil homme. Son buste en veste kaki flottait un bon mètre au-dessus du sol. Les pans de sa chemise ensanglantée et grêlée d'éclats claquaient tels des bannières dans le grand vent. Ils étaient revenus des profondeurs de la forêt pour guider ses pas. Des relents de putréfaction planaient dans le sillage des spectres. Le lieutenant Wurtz accéléra le pas. Joseph se sentait aussi léger que les silhouettes vaporeuses qui dansaient devant lui. Bientôt, le relief du sol se transforma en un moutonnement de creux et de bosses de plus en plus serrés. Le cœur de l'octogénaire s'emballa. 62 ans n'avaient pas suffi à la forêt pour gommer totalement les ravages du bombardement. Ça et là, subsistaient des vestiges de troncs rongés par la vermine. Le lieutenant Wurtz ralentit le pas avant de stopper la colonne. Les soldats s'écartèrent sur le passage de Joseph. Le grand bouleau blanc n'était plus qu'un arbre squelettique. Tout là-haut, l'extrémité dénudée de ses branches mortes griffait le ciel. Au deuxième coup de tonnerre, l'averse s'abattit sur la forêt. Vacillant sur ses jambes, l'octogénaire s'approcha du fût luisant de pluie. Enchâssé dans l'écorce, l'éclat d'obus n'était plus qu'une fine dentelle de métal sculptée par la rouille. Le vieil homme caressa du bout des doigts cette relique d'un autre âge. Alors, d'un geste empli de tendresse, il enserra le tronc de ses bras maigres. L'orage redoubla de violence. Les éclairs embrasèrent les nuages qui vomirent des trombes d'eau. L'air vibrait sous les coups de tonnerre. Au travers de ses paupières closes, Joseph perçut un dernier éclat aveuglant avant que le bouleau n'aspire à lui son esprit. Le vieil homme souriait. La foudre frappa la cime de l'arbre. La boule de feu dévora branches et troncs avant de pénétrer Joseph par le haut de l'épaule, à l'endroit de la cicatrice. Durant une seconde,